aura tout le temps de se faire peur. Suivra le mouvement, faudra qu'on meure. À l'heure du café, du labeur, on pliera nos jouets et nos malheurs. Avant le coup de scalpel, avant de se faire la malle, dans ton cœur de gazelle, car rien d'un animal. Je voudrais poser, je voudrais poser. Je voudrais poser ma voix. On aura tout le temps de se faire peur. On suivra le mouvement, faudra qu'on meure. À l'heure du café ou du labeur, on pliera nos jouets et nos malheurs. Avant de fondre des ailes, avant que d'avoir mal, d'oser croire que le soleil, c'est le plus joli des grâles. Je voulais poser, je voulais poser. Je voulais poser ma voix. On aura tout le temps se faire peur. On suivra le mouvement, faudra qu'on meure. À l'heure du café, du labeur, on pliera nos jouets et nos malheurs. Ça ma belle, avant de quitter ton mal, allez voir si dans le ciel il y a vraiment des étoiles. Je voulais poser, je voulais poser. Je voulais poser ma voix.